Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un drame qui a tant choqué la France. Le 1er mai 2017, entre deux tours de l'élection présidentielle, le candidat Emmanuel Macron rendait hommage à Brahim Bouaram. 22 ans auparavant, jour pour jour, ce Marocain de 29 ans mourait, poussé dans la Seine par les skinheads, en marge du défilé organisé tous les ans par le Front National. L'hommage d'Emmanuel Macron, sans doute aussi sincère que politique, survient alors dans un contexte particulier, à 6 jours de second tour de la présidentielle qui doit l'opposer à Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche rappelle ainsi les racines du FN, histoire de réactiver le réflexe républicain contre le parti frontiste. Le Front National, lui, s'est toujours dédouané de toute responsabilité dans le meurtre de Brahim Bouaram. Mais aujourd'hui comme hier, les connexions qui lient le parti de Le Pen à l'extrême droite radicale, identitaire, nationaux révolutionnaires, GUD et autres skinheads néo-nazis ne cessent de remonter à la surface. Alors, qui a tué Brahim Bouaram? C'est la question d'une responsabilité. La responsabilité pénale des accusés d'abord, puis celle morale du Front National, et enfin la responsabilité collective d'une société qui marginalise certains de ses éléments jusqu'à la violence, parfois la plus barbare. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Lebourg, historien, spécialiste de l'extrême droite. Il est l'auteur d'une lettre aux Français qui croit que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout. C'est le titre, ouvrage publié en 2016. Et il prépare un livre qui sortira le 7 décembre chez Rive-Neuve Éditions, intitulé celui-là « La violence des marges politiques ». Il nous attend à Perpignan dans les studios de France Bleu Roussillon. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Au printemps 1995, le premier tour de la présidentielle voit le socialiste Lionel Jospin arriver en tête avec 23,3% des voix. Suivent le gaulliste Jacques Chirac, 20,8% des voix, son frère ennemi Édouard Balladur, 16,6%, et enfin Jean-Marie Le Pen, 15% des voix. Le Front National, parti que dirige Jean-Marie Le Pen, est né en 1972, des cendres d'Ordre Nouveau, un groupuscule de jeunes militants nationalistes et radicaux, inspirés du MSI, une formation néofasciste italienne, et du NPD allemand, violemment xénophobe et antisémite. En 1995, 23 ans après la création du parti, ce sont donc près de 4 571 138 Français, pour être exact, qui ont accordé leur soutien au Front National, et ce malgré les faits graves qui ont ébahi la campagne présidentielle du candidat frontiste. En avril à Courbevoie, 3 membres du Front National néo-nazi se font passer pour des policiers, frappent une Algérienne enceinte. Le mois précédent, dans le Gers, Samuel Maréchal, gendre de Jean-Marie Le Pen, écope de 8 mois de prison avec sursis et de 5000 francs d'amende pour coups et blessures volontaires sur des lycéens. En février, à Marseille, un retraité colleur d'affiche du Front National tue Ibrahim Ali, un Comorien de 17 ans, d'une balle dans le dos. La violence de la part de certains militants du Front National n'est pas rare dans les années 80 et 90. Car le parti de Jean-Marie Le Pen a pris l'habitude d'utiliser la virulence de certains sympathisants, toujours des hommes, pour effectuer la basse besogne et entre autres coller des affiches. Parcourir les rues de nuit pour affirmer son engagement auprès du FN, c'est s'exposer aux rencontres ennemies et à d'éventuelles bagarres. Parmi ces colleurs d'affiches déterminés, des skinheads d'extrême droite, des boneheads, comme les appellent leurs opposants en désignant leur crâne chauve, inspirés du modèle anglais, approximativement politisés, ces skinheads sont nationalistes, racistes, antisémites, anticommunistes et fascinés par le Troisième Reich. Souvent jeunes, parfois paumés, toujours violents, ils entretiennent des rapports mouvants avec le Front National, tantôt complices, tantôt conflictuels, au gré des circonstances, des dérapages et des provocations qui sont les leurs. Malgré la violence revendiquée de ces derniers, le FN n'hésite pas à utiliser leur animosité pour nourrir son service d'ordre, non sans conflits occasionnels d'ailleurs, notamment dans les cortèges, où les barrages entre jeunes frontistes et skinheads peuvent éclater ainsi que les bagarres. Serge Ayoub, alias Batskin, et sa bande de skinheads parisiens, les jeunesses nationalistes révolutionnaires, sont ainsi employés par le service frontiste entre 1992 et 1994 comme supplétifs du DPS, le service de sécurité du Front National. Avec le GUD, une organisation étudiante d'extrême droite réputée pour ses actions violentes, liées à l'université d'Assas, les skins des JNR doivent assurer la chasse aux contre-manifestants sans engager la responsabilité du parti de Jean-Marie Le Pen. Batskin, ou Serge Ayoub, le chef des skinheads des jeunesses nationalistes révolutionnaires, se verra même proposer une tête de liste au municipal de 1995 à Stains, en Seine-Saint-Denis. Ce 1er mai 1995, comme chaque 1er mai depuis maintenant 7 ans, le Front National fait d'une pierre deux coups, célébrant à la fois la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc, au prétexte qu'elle a bouté des étrangers hors de France, et la fête du travail. La patrie et le social, le passé et le présent, le FN donne volontiers dans le symbolisme historique. En cette année présidentielle de 1995, le cortège est fourni plus que d'habitude. Dans une semaine, les électeurs vont devoir choisir entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Pas véritablement surpris, les militants du Front National, ce matin, en voyant des dizaines d'objectifs et de micros, alors que les années passées, la procession pour la fête Jeanne d'Arc se déroulait dans une quasi-indifférence. Il est vrai que tous avaient le sentiment de détenir les clés du second tour des présidentielles et que du bon vouloir de leur leader dépendait le sort de Lionel Jospin ou de Jacques Chirac, témoin cette militante parisienne. Évidemment, là, c'est un peu particulier. Et non seulement il est l'arbitre, mais depuis trois jours, j'apprends par la voix de M. Fabius, de M. Juppé et de tant d'autres que nous sommes des gens comme les autres, ça fait longtemps que je le savais. Nous ferons ce que nous devons faire, notre devoir, et notamment pour le bien des Français et de la France. Et donc une manifestation tout ce qu'il y a de traditionnel, avec Jeanne d'Arc en côte de maille et gamin en uniforme des parachutistes, les médailles en moins. Mais vers 12h15, alors que Jean-Marie Le Pen prend la parole, deux banderoles portant des inscriptions « Non au racisme, non au fascisme, ras le front » sont déployées sur les façades du Grand Hôtel et de l'Opéra. Colère de Jean-Marie Le Pen, cris, sifflets et insultes des manifestants, et finalement un discours de leader de l'extrême droite qui a laissé songeur plus d'un militant. Voté blanc, nul, Chirac ou Jospin, ils s'y perdent. Une manifestante envisageait même tout à l'heure de glisser dans l'enveloppe un bulletin Le Pen du premier tour. Alors que la foule afflue vers la place de l'Opéra où Jean-Marie Le Pen s'élève contre ceux qu'il qualifie de racailles, à savoir les militants antiracistes qui ont déroulé leur banderole, un drame se joue à quelques centaines de mètres. En ce 1er mai 1995, comme tous les 1er mai, le défilé des militants du Front National est encadré par le département protection sécurité du parti, le DPS, dirigé par Bernard Courcel. Fort de 1700 membres à l'époque, le DPS en a mobilisé 400 pour encadrer le défilé. Parmi eux, des costumes cravates, mais aussi des hommes en civil disséminés dans le cortège pour repérer les intrus sans se faire remarquer. Ce matin-là, le DPS intervient près de 80 fois pour ramasser des enfants tombés à terre, renseigner les égarés, arrêter les bagarres. Mais en queue de cortège, là où se trouvent les individus les plus radicaux, là où on affiche et on assume les insignes nazis, là où des violences éclatent chaque année, le DPS n'a prévu personne. En queue de cortège, justement, c'est là que s'agit un groupe de jeunes gens, crâne rasé, Doc Martens et Bombers. Il est environ 11h30. Les garçons sont déjà éméchés. Dans le car qu'ils ont pris à Reims le matin, affrété gratuitement par le Front National, ils ont bu des bières, beaucoup de bières. Et sur le chemin qui les mène vers la place de l'Opéra, où les attend Jean-Marie Le Pen, ils continuent à enchaîner les canettes. Arrive le pont du Carrousel, qui relie la rive gauche de la Seine au jardin des Tuileries, un lieu de drague homosexuel connu, qui inspire malheureusement les cinq amis. Depuis le pont, sur les berges en contrebas, ils repèrent des menaces sidaïques, comme ils les appellent. Alors les insultes fusent de la part des skinheads, un petit groupe se détache du défilé du Front National et descend près de l'eau. Là, des témoins observent la scène. Trois individus parmi le groupe des jeunes alcoolisés s'approchent d'un jeune homme. Et tout s'enchaîne. L'homme n'a pas le temps de réagir. Il est poussé dans le fleuve où bouillonne une eau marron. Il se noie. Immédiatement, les meurtriers prennent la fuite, remontent sur la route et se perdent dans le cortège. Deux hommes et une femme qui ont vu la victime tomber dans la Seine appellent alors les secours. Il est 5:30. 20 minutes plus tard, le médecin constate la mort de Brahim Bouaram. Ce Marocain de 29 ans, père de deux enfants, se promenait tranquillement au bord de la Seine en attendant de retrouver sa petite amie. Le Front National voulait fêter son score du premier tour. La journée s'est soldée par un drame. Un Marocain serait mort, poussé à la Seine par des skinheads qui se sont fondus dans le rassemblement du Front National juste après les faits. Les trois hommes n'ont pas été interpellés. Premier reportage sur les lieux du drame. Clément Veyrénal, Christos Camilleris. Les éléments de l'enquête, le jeune Marocain aurait été bousculé par un groupe de skinheads lors d'une altercation en contrebas du pont du Carrousel. Le jeune homme, âgé de 29 ans, serait tombé à l'eau et aurait péri noyé. L'agression aurait eu lieu quelques temps après le passage de la manifestation du Front National, sans qu'il soit possible ce soir de déterminer si les agresseurs faisaient ou non partie du cortège. Après le drame, 12 000 personnes se réunissent pour pleurer la mort de Brahim Bouaram. François Mitterrand, encore président de la République, jette une gerbe de fleurs à l'eau près du lieu de crime, tandis qu'une plaque commémorative est installée sur les quais de la Seine en mémoire de la victime. Lionel Jospin et Jacques Chirac, les deux candidats au deuxième tour de la présidentielle, condamnent publiquement cet acte. Tandis que les associations antiracistes, le MRAP, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, les partis politiques, les syndicats et des intellectuels, comme l'écrivain Tahar Benjelloun, dénoncent le discours de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Je suis atterré de voir que, après le meurtre du jeune Comorien, maintenant on passe aux Maghrébins. Et puis moi je trouve que c'était plus ou moins prévu, puisque le discours de Le Pen est un discours tissé de haine. La haine des Maghrébins est sa passion. Il a vraiment une haine viscérale contre tout ce qui est arabe, musulman, maghrébin. Et puis, il n'a aucune pudeur, il ne recule devant rien. Son discours autorise le racisme, surtout à force de le répéter et de marteler les mensonges, et finit par autoriser, entre guillemets, le racisme, c'est-à-dire que les gens peuvent passer après à l'action. Et c'est un discours qui donne la mort quand il peut, et il arrive que l'assassinat devienne un moyen d'illustrer ce discours. Alors que certains, comme Fadi Sylla, président de SOS Racisme, réclament l'interdiction des rassemblements du Front National, Jean-Marie Le Pen refuse d'abord de condamner ce qu'il désigne comme un incident, avant d'accuser à demi-mot les Redskins, les skinheads d'extrême-gauche, antiracistes et antifascistes, du meurtre de Brahim Bouaram. Sur le plateau du JT de France 2, le soir même, il répond aux condamnations exprimées par Jacques Chirac. Ce sont là des déclarations scandaleuses et démagogiques d'irresponsables politiques, au premier rang desquels je vois qu'il y a M. Chirac. Personne ne sait rien de cet incident qui s'est produit hors du défilé de Jeanne d'Arc, hors du défilé du Front National. Même pas au même niveau, puisque nous étions au niveau du pont, et que ces faits se sont produits à 150 mètres en amont de ce pont, mais sur les berges. Et que par conséquent, personne, en tous les cas pas dans la police, ne met en cause le Front National. Mais immédiatement, il suffit qu'il se produise un incident pour que des politiciens plus ou moins véreux fassent des déclarations antiracistes en espérant que celles-ci retombent sur notre responsabilité. D'un mot tout de même, est-ce que vous condamnez Je ne peux pas condamner quelque chose que je ne connais pas. Je regrette qu'un malheureux se soit noyé, mais dans une agglomération de 10 millions d'habitants, il se produit des incidents de ce genre sans que nous soyons directement responsables ni obligés de les commenter. Au 36 quai des Orfèvres, toute la journée de lundi, les policiers reçoivent les témoins et visionnent des images de vidéosurveillance et des photos fournies par les renseignements généraux. Grâce à une collaboration étroite entre la première section des RG et la brigade criminelle, des suspects sont rapidement repérés. Dès le lendemain du meurtre, c'est acté. Les présumés coupables sont des skinheads rémois qui participaient bien au défilé du Front National en direction de la place de l'Opéra. Or, les membres de ces groupuscules sont peu nombreux, connus et répertoriés. Le 3 mai, la brigade criminelle arrive donc à procéder à 29 interpellations parmi la mouvance skinhead de Reims. Au montré du doigt, notamment en raison de ses liens avec les jeunesses nationalistes révolutionnaires de Serge Ayoub, des skins nationalistes, le Front National finit par proposer son aide. Le parti charge tous les responsables départementaux de faire remonter les informations qui pourraient être utiles à l'enquête. Le 9 mai, le FN livre 3 noms aux policiers. Une aide réelle, mais tardive. La PJ a déjà identifié les suspects. En tout, ce sont 4 jeunes hommes qui sont mis en examen. Michael Fréminet, le présumé meurtrier, et ses amis Christophe Calam, David Parent et David Albin. En fournissant ces renseignements, le Front National se lave les mains. Bruno Maigret, alors numéro 2 du parti, va même jusqu'à accuser la police française de ne pas avoir fait son travail dans l'intention de faire porter le chapeau aux frontistes. Nous nous réjouissons que la lumière puisse être faite sur cette triste et pénible affaire et qu'il soit prouvé que le Front National n'a absolument rien à voir dans cet événement tragique. Jean-Marie Le Pen et l'ensemble des responsables du Front National avaient condamné cet acte et avaient demandé que les auteurs soient retrouvés et punis. Nous nous sommes efforcés d'accélérer les choses, démontrant ainsi de façon éclatante que le Front National n'a rien à voir avec tout ça et qu'il a été victime une fois de plus d'une machination, d'une manipulation de l'opinion pour tenter de nous faire porter un chapeau qui n'est pas le nôtre et qui n'a jamais été le nôtre. Qu'est-ce qui vous a poussé à coopérer finalement avec la police ? Je vous l'ai dit, c'est la volonté du Front National de faire toute la vérité sur cette affaire et nous n'étions pas certains que les autorités soient tellement désireuses de retrouver les intéressés, car en absence de coupables, il est plus facile de raconter n'importe quoi. Le 7 mai 1998, 3 ans après la mort de Brahim Bouaram, débute le procès des 4 accusés. Michael Fréminet, 19 ans au moment des faits, Christophe Calam, 25 ans, David Parent, 19 ans et David Albin, 28 ans. Tandis que le premier, Fréminet, est accusé du meurtre de Brahim Bouaram, car c'est lui qui a poussé le jeune Marocain dans la Seine, les autres répondent du délit de non-assistance à personne en danger. Ils ont regardé le jeune homme se noyer, oui, sans faire un geste. David Albin, qui n'est pas descendu sur les berges avec les autres, est également accusé d'avoir pointé du doigt Brahim Bouaram depuis la route, comme pour indiquer la cible à ses amis. Pour Solange Doumic, l'avocate de Michael Fréminet, le principal accusé, il s'agit de convaincre les jurés que le jeune homme n'est pas le grand méchant skinhead qu'on imagine, mais un garçon influençable, dépassé, bouleversé par son geste. Durant le procès, l'expert psychiatre décrit un jeune homme frustre, passif et extrêmement timide. Michael, qui vient de revenir de son service militaire, n'est pas fiché par les RG, n'appartient officiellement ni au FN ni à aucun mouvement structuré d'extrême droite. Comme le relate la journaliste Dominique André sur France Inter, ce jeune homme sans ambition et sans idée fréquentait en revanche des militants radicaux reconnus. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui soit animé d'une idéologie d'extrême droite. Il est même présenté comme étant un néophyte. En revanche, dans le groupe des trois écroués hier soir, il y a un skinhead. C'est Christophe Calame qui, lui, est répertorié. C'est un skinhead très connu, beaucoup plus âgé que Michael Fréminet. Il a été, lui, impliqué dans différentes affaires. Et il a même eu des liens avec le PNFE, le Parti Nationaliste Français Européen. C'est l'extrême droite radicale. Donc à Reims, on dit que Christophe Calame est un très très bon copain de Michael Fréminet, que ce sont sans doute les liens de Michael avec les skinheads de Reims. Et il faut quand même préciser qu'à Reims, il n'y a pas beaucoup de skinheads, ils sont une quinzaine à peine, peut-être une vingtaine, et qu'ils sont vraiment répertoriés par la police. Certes, Fréminet ne possède pas de carte du Front National, mais en septembre 1994, il participait à la fête des Bleus Blancs Rouges, la rencontre annuelle des sympathisants du Parti Frontiste avec ses amis, le skinhead Christophe Calame, mais aussi David Albin. Ancien de l'œuvre française, l'ancêtre du Front National, Albin, celui qui a désigné la cible, l'arabe, est encarté au FN, lui. L'année précédant le meurtre de Brahim Bouaram, Fréminet et Albin ont déjà défilé ensemble lors du défilé du 1er mai 1994. David Albin avait alors taquiné les PD, selon ses termes, sur les mêmes quais du carrousel. Face aux quatre accusés, Michael Fréminet, Christophe Calame, David Parent et David Albin, des associations antiracistes et de défense des droits de l'homme se sont portées partie civile. La LICRA, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme française et marocaine et SOS Racisme. Leur but, au-delà de la condamnation des accusés, est de faire reconnaître la responsabilité du Front National dans cette affaire. Pour Daniel Bismuth-Chrono, membre de la LICRA, Michael Fréminet n'adhère à rien, sinon à des slogans. Ce crime est l'illustration de la contamination, de la lepénisation des esprits. Les parties civiles n'accusent pas le Front National d'avoir directement tué Brahim Bouaram, mais elles dénoncent la responsabilité morale et politique du parti. Philippe Bilger, l'avocat général, juge, et je le cite, que le message que renvoie le FN, ces jeunes gens le prennent au pied de la lettre et au pied de la haine, puis le renvoient à leur tour, brut et violent. Durant les 6 journées que durera le procès, la défense restera, elle, très factuelle. Je veux que mon client soit jugé pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il n'est pas, insiste Solange Doumic, son avocate. Mais les faits sont difficiles à établir. Plusieurs témoins, dont certains membres du Front National, se sont rétractés. Le dossier d'instruction est bourré de contradictions. Michael Fréminet raconte que Brahim Bouaram, croisé par hasard sur le quai, l'a insulté. Fils de pute de skinhead, aurait-il lancé? En réponse, Fréminet lui aurait donné une claque appuyée, précipitant malgré lui le jeune Marocain dans la scène. Alors le président du tribunal ironise. « Alors moi, petit maghrébin, dit-il, le FN défile, je me suis fait traiter de menace sidaïque, je vois Calame avec ses insignes nationalistes, j'en vois d'autres encore, et moi je vais vous traiter le fils de pute de skin. Non, faut être fou. » Bref, si l'on en croit les accusés, tout cela n'est qu'un malheureux coup du sort. Mais à l'avant-dernier jour du procès, ces interprétations, la supposée provocation de Brahim Bouaram et la claque de Fréminet sont sévèrement contredites. David Albin, l'un des 4 co-accusés, reconnaît bien avoir proféré des insultes en direction des promeneurs de la berge qu'il pensait être des homosexuels. Juste après ces insultes, un petit groupe de skinheads se détache en courant. Mais Michael Fréminet, le meurtrier présumé, assure qu'il n'y a aucun rapport, qu'il voulait juste uriner, que Brahim Bouaram l'aurait alors insulté et qu'une simple claque l'aurait fait chavirer dans la Seine. Une version mise à mal par le premier témoin oculaire à être entendu par la cour. Hier, Laurent Cossou, un militaire de carrière, a affirmé que Michael Fréminet a d'abord fait semblant de pousser le Marocain, puis a regardé ses copains qui rigolaient, avant de le pousser franchement des deux mains, alors que la victime était de 3/4, voire de dos, et donc sans défense. Coup de théâtre, ni les policiers, ni le juge d'instruction n'avaient fait état de telles déclarations. Alors, les avocats de la défense s'agitent, tous demandent à réentendre le témoin. Il raconte un interrogatoire de 8 heures, le stress, l'impression que sa déclaration a été mal comprise. Le 12 mai 1998, après 5h40 de délibéré, la cour d'assises de Paris reconnaît finalement Michael Fréminet coupable du meurtre de Brahim Bouharam et le condamne à 8 ans de prison. David Parent et Christophe Calame prennent 5 ans, dont 4 avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Ils sont donc libres, car leur peine est couverte par la détention provisoire. Quant à David Alba, jamais détenu, il est condamné à la même peine et devra effectuer 1 an de prison. À l'issue du procès, Fodessila de SOS Racisme exprime sa déception au micro de France Inter. Je suis déçu ce soir parce que un jeune arabe, parce qu'il était arabe, a été jeté à la Seine par des gens qui avaient une idéologie fascisante. Et je pense qu'à l'arrivée, écopé de 8 ans pour quelque chose d'aussi dramatique, j'ai peur qu'on n'aille pas jusqu'au bout de la pédagogie. Et je crois qu'effectivement, ce meurtre aujourd'hui aurait dû être sanctionné plus sévèrement. Mais au-delà, ce que je peux peut-être le plus regretter ici, c'est le fait qu'on n'ait pas réussi une bonne fois pour toutes à poser clairement la responsabilité morale du Front National. Et si on doit au moins retenir quelque chose de ce procès, c'est qu'aujourd'hui, à force de discours, de rejet, à force de discours d'intolérance, à force de jouer sur la fibre et la faiblesse des gens, on finit par pousser certains à passer à l'acte. Et cela, c'est de la responsabilité du Front National. Et je crois que c'est ça qui est important à dire aujourd'hui, c'est que quand on laisse ces enfants aux mains du Front National, alors on finit par les retrouver dans des boxes, parce qu'entre-temps, ils balancent des Arabes à la Seine. La déception des parties civiles est d'autant plus grande que le procès a révélé comment le Front National a joué un double jeu au cours de l'enquête. Certes, le parti de Jean-Marie Le Pen a apporté son aide aux enquêteurs, on l'a dit, mais il a également tenté de faire le ménage. Car dans la nuit du 1er au 2 mai 1995, Alain Mangin, militaire à la retraite et secrétaire départemental FN de la Marne, se rend chez David Albin, à Reims. Il lui conseille alors de se débarrasser de sa carte FN et de tous les documents du parti. Le Front National connaît donc l'implication de David Albin dès le jour du meurtre. Le parti aura pourtant attendu plus d'une semaine avant de lâcher l'information à la police, sans souci de voir les coupables disparaître dans la nature. Mais ce 12 mai 1998, le Front National n'a pas été condamné. Malgré l'écart du parti dans lequel Michael Fréminet, Christophe Calame et David Parent voyageaient de Reims à Paris, malgré la bière, beaucoup de bière, que les skinheads y ont bu sans être ennuyés, malgré les liens idéologiques, politiques et personnels, plus ou moins officieux que le parti entretenait avec les coupables en particulier et avec l'extrême droite radicale en général, comme l'exprime maître Francis Terquem, avocat de SOS Racisme. Ce procès révèle l'implication de chacun de ses protagonistes dans le Front National. Il est clairement établi que le Front National utilise des bandes de skinheads. Ce sont évidemment des jeunes gens violents, d'un certain point de vue nihilistes et qui développent un racisme exacerbé, qui trouve son cadre politique au Front National. Ce qui était intéressant, et ce qui est une leçon de vie pour eux, me semble-t-il, dont ils semblent faire leur miel, un peu tardif, c'est que le Front National, après les avoir utilisés, les abandonne complètement. Et on comprend bien pourquoi. La dimension raciste de ce crime est niée par le Front National. Donc le Front National nie sa connivence avec ces jeunes gens. Mais il est évident que cette connivence existe et que le Front National ne fait montre que d'une chose, c'est de sa lâcheté. Et si le Front National tient à cacher ce type d'accointance en 1995 comme en 1998, c'est parce que le parti a entamé une stratégie nouvelle en termes de communication. La décennie 90 voit en effet le FN s'engager dans ce qu'il appelle la dédiabolisation. Il s'agit d'adoucir l'image du parti et de déjouer les accusations de fascisme en évacuant au maximum antisémitisme et racisme des discours officiels et en s'affranchissant des militants trop radicaux. Pourtant, Malgré cette stratégie qui n'a eu de cesse de se développer et de faire ses preuves d'ailleurs, le Front National n'a jamais complètement coupé les ponts avec ses frères ennemis skinheads, néo-nazis et nationaux révolutionnaires. En témoignent les photos qui sortent régulièrement dans la presse, trop nombreuses pour n'être que le fruit du hasard. Quelques exemples récents, parmi d'autres. En 2006, Marine Le Pen pose avec deux militants néo-nazis de la région lyonnaise. Le premier arbore fièrement un t-shirt floqué des initiales du parti hitlérien, le NSDAP, tandis que le second porte un autre t-shirt orné d'une tête de mort et d'une croix gammée. En 2013, le magazine Le Point publie une photo de Marion Maréchal Le Pen lors du 40e anniversaire du FN, aux côtés d'Edouard Klein, leader du GUD, une organisation étudiante d'extrême droite, violente, et de Baptiste C., figure du mouvement skin néo-nazi. En 2013 encore, le site Reflex publie des photos de Daniel Mack, membre des jeunesses nationalistes révolutionnaires de Serge Ayoub, l'ancien skinhead devenu leader de l'extrême droite radicale. Sur ces images, Daniel Mack assure le service d'ordre rapproché des leaders du FN pendant le défilé du 1er mai 2012. Après la mort de Clément Méric, ce jeune militant libertaire tué par des skinheads des jeunesses nationalistes révolutionnaires, le 5 juin 2013, Marine Le Pen affirme n'avoir aucun contact avec Serge Ayoub et son groupuscule. Ces jeunes gens appartiendraient à un groupe qui s'appelle la Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. Votre parti est en contact avec ce groupe-là ? Non, pas du tout. Absolument pas. Ces actes sont inadmissibles, évidemment insupportables. Et encore une fois, je vous dis, la mort d'un jeune homme est terrible. Le Front National n'a aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec cette agression. Et par conséquent, nous en apprendrons plus dans les heures qui viennent. Aucun rapport, ni de près, ni de loin, insiste Marine Le Pen. Des déclarations étonnantes, vu les rapports anciens entretenus par le Front National avec le créateur des JNR, Serge Ayoub, et les skinheads en général. Des déclarations étonnantes, alors même que les observateurs et la police ont noté, parallèlement à la montée du FN dans les années 2010, la recrudescence de mouvements violents et radicaux tels que les jeunesses nationalistes révolutionnaires, justement. Tandis que le Front National soigne son image et fédère un Français sur quatre en 2017, l'extrême droite la plus radicale se sentirait-elle pousser des ailes? C'est ce que pense, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, comme il l'écrit sur son blog en 2013, au moment de la mort de Clément Méric. Pour lui, la banalisation du parti lepéniste a ouvert un espace de légitimité à l'extrême droite la plus radicale, skinhead compris. Des amalgames, se défend Marine Le Pen, comme son père le faisait déjà en 1995, au moment de la mort de Brahim Bouaram. Des amalgames pour les Le Pen, mais des faits surtout. Non seulement certains groupuscules d'extrême droite radicale comme les jeunesses nationalistes révolutionnaires de Serge Ayoub sont historiquement liés au FN, malgré des rapports compliqués, mais les skinheads vieillissants font parfois le choix de l'assimilation au mouvement lepéniste, comme l'explique l'avocat Patrice Quentin. C'est vrai qu'on vieillit un peu, qu'on prend de la bouteille, et qu'à ce moment-là, eh bien, on s'insère ailleurs. Alors peut-être est-ce qu'on se rapproche du PNFE, voire du Front National, mais il y a dans ce mouvement politique, une frange. Parlez du Front National. Du Front National, bien sûr. Qui est un mouvement politique, incontestablement. Une frange qui est composée, légale, une frange qui est composée de gens qui viennent des skins, qui viennent du PNFE, qui viennent des partis néo-nazis. Et il y a, dans les idées du Front National, une partie qui, elle, est inadmissible dans notre démocratie. Parce que c'est précisément la partie de l'exclusion, la partie de la haine de l'autre, la partie du racisme, et c'est bien pour ça que le Front National a été condamné un nombre très important de fois par les tribunaux pour incitation et provocation à la haine et à la violence. Le Front National et l'extrême droite radicale. Deux réalités apparemment distinctes. L'une fête ses 15% au premier tour de la présidentielle en 95, sa présence au deuxième tour face à Jacques Chirac en 2002, ses 21% en 2017. L'autre tue. Brahim Bouaram, jeté dans la Seine en 1995, François Chenu, un jeune homosexuel tabassé à mort par les skinheads de Reims en 2002, Clément Méric, le militant d'extrême gauche, mort en 2013. l'organisme traditionnel des filets FN du 1er mai en 2017 prouvait une fois de plus que malgré la tendance frontiste à prétendre à l'imperméabilité de ces deux mondes, le Front National et les groupuscules radicaux restent liés par leur histoire, par leur idée, par leur rejet. Le 1er mai 2017, slogans et pancartes disaient sans complexe la haine de l'autre. Islam hors d'Europe, lisait-on. Immigrés dehors, les Français d'abord, scandait-on. Et des croix gammées, taguait-on. Car dans les manifestations du Front National, comme sur les réseaux sociaux, la parole reste aujourd'hui comme hier, et ce malgré les tentatives de normalisation raciste, décomplexée, violente. D'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire. On flaire, la flamme singulière. D'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd. On perd la gagne. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le meurtre de Brahim Bouharam. Notre invité Nicolas Lebourg, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez très bien, parfaitement. Vous êtes à Perpignan, dans les studios de France Bleu Roussillon. Vous êtes historien, spécialiste de l'extrême droite. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'une lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout. Titre de ce livre publié en 2016. Et vous préparez en ce moment un ouvrage qui sortira, je crois, le 7 décembre chez Rive-Neuve Éditions, qui sera intitulé « La violence des marges ». Politique, voilà. Le 9 novembre dernier, le maire Front National d'Alain Beaumont, Steve Briouat, a été jugé pour un tweet faisant le lien entre migrants et agressions sexuelles. La parole raciste, notamment sur les réseaux sociaux, n'est-elle pas en train de se décomplexer? Est-ce que vous avez vu une évolution et peut-être même un sursaut, un soubresaut de cette parole-là en ce moment, avec les réseaux sociaux notamment? Alors c'est un peu compliqué parce que ça fait 30 ans qu'on parle de libération de la parole raciste, et puis même on peut repousser plus loin, rappelez-vous début des années 70, le film du Pont La Joie par exemple, qui était aussi un peu sur ce thème. Ce qu'on a en fait en France depuis une quinzaine d'années, c'est une vague altérophobe. L'altérophobie, ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à l'altérité, par rapport aux autres ethniques, oui. Et le culturel pour péjorer les personnes. C'est l'islamophobie, c'est l'antisémitisme, etc. C'est une catégorie qui résume le tout. Et on voit bien qu'on a des crispations altérophobes extrêmement fortes dans notre société. C'est important pour l'extrême droite parce que l'extrême droite, elle mute selon des cycles géopolitiques. Et depuis 2001, les attentats du 11 septembre, puis la guerre en Afghanistan, avec ensuite la crise économique, avec la crise des réfugiés depuis 2015, on est actuellement sur une crise géopolitique qui est tout à fait bénéfique à l'extrême droite. Bien sûr, notamment avec le djihad, j'imagine. La question de l'islam est devenue une question tout à fait centrale. L'islamophobie en France, elle arrive avant le 11 septembre 2001. Ça commence les thématiques sur une Europe en voie d'islamisation avec la guerre du Kosovo. C'est les argumentaires serbes qui sont repris par des membres de l'extrême droite française, mais aussi par des membres des classes dirigeantes dans les milieux militaires, des milieux intellectuels, etc. Donc on était particulièrement prêts. Puis notre histoire commune avec le Maghreb nous préparait également un certain nombre de thèmes. Le départ du Front National de Florian Philippot, est-ce que ça pourrait être le signe d'un repositionnement du parti après la dédiabolisation? Il y aurait une rediabolisation, le retour d'un discours violent et raciste qui se banaliserait. Est-ce qu'on assiste à ça en ce moment et depuis l'élection présidentielle de mai dernier où le Front National, malgré tout, a pris une claque. Il est allé au second tour, mais on a vu comment ça a tourné par Marine Le Pen. J'imagine qu'il cherche à se reconstruire. Est-ce qu'à votre avis, le Front National se reconstruit sur ce que j'appellerais une rediabolisation? Alors je crois qu'il y a deux choses différentes. D'abord, à la présidentielle, on a vu un problème de crédibilité de Madame Le Pen, mais on a vu une envie d'extrême droite. Le score n'est tout de même pas négligeable. Cette envie d'extrême droite, on l'avait également vu au municipal, à toutes les élections intermédiaires. Donc il y a une envie d'extrême droite dans notre pays, il y a un problème de crédibilité de cette extrême droite. Il y a une demande autoritaire qui a l'hégémonie. Vous savez, aujourd'hui, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Il y a un vrai goût pour l'autorité parmi nos compatriotes. Alors ensuite, la crise Philippot, elle montre quelque chose d'assez amusant quelque part. C'est qu'on voit Florian Philippot qui explique, mon Dieu, le Front National se rediabolise. Du côté du Front National, on nous dit, mais regardez, autour de Philippot, il y a des gens qui étaient chez Terre et Peuple, c'était quasiment des néo-nazis. Il y a des gens qui sont pas loin d'Alain Soral, etc. Donc, au contraire, on essaie de diaboliser autour de Philippot. On voit bien qu'on se refile toujours un petit peu le bâton qu'on le renvoie à l'autre, parce que la question, il y a une question, si vous voulez, qui est structurelle. Depuis 1972, avec Ordre Nouveau, lorsqu'ils fondent le Front National, il s'agit d'être en tension entre, il faut se diaboliser parce qu'il faut être une charge subversive, il faut montrer qu'on est différent du système, et puis en même temps il faut s'y normaliser pour arriver à s'y intégrer et avoir des places d'élus. Et ça, ça a toujours été compliqué. À l'époque d'Ordre Nouveau, par exemple, on fait venir au départ d'anciens SS en étant très content parce qu'ils donnent une légitimité, et puis très vite on a très peur en se disant, mais avec ces gars-là, on n'arrivera jamais à être autre chose que des marginaux. Cette stratégie de dédiabolisation qui a permis au FN de s'imposer comme un parti, on va dire, normal, qui en est l'instigateur? Parce qu'évidemment, c'est Marine Le Pen qui l'a incarné, c'était son rôle, mais je crois que ça date d'avant l'ascension de Marine Le Pen. Tout à fait, ça date de toujours, si on peut dire. Il y a deux éléments centraux, si vous voulez. Le premier, c'est le 1er mai 2002. Là où Marine Le Pen et ses amis vont se rendre compte, avec les manifestations fleuves contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, qu'il y a un problème, que le Front National dit depuis toujours que c'est la diabolisation des médias, mais qu'il y a un problème interne, que quand il y a autant de gens qui manifestent contre vous, vous ne pouvez pas juste dire que ce n'est pas de votre faute, et que donc il va falloir rompre. Rompre avec quoi? Les groupuscules de l'extrême droite radicale que vous avez évoqués l'avaient déjà dit dans des notes internes d'un mouvement comme Troisième Voie, auquel étaient liées les jeunesses nationalistes révolutionnaires que vous avez beaucoup évoquées. Il y a une note interne de 88 qui vous dit, il ne faut pas parler de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas parler d'antisémitisme, il ne faut pas parler de négationnisme, d'un côté, et il ne faut pas parler de tout ce qui est passéiste, ordre moral, l'avortement, l'Algérie française, les mœurs, etc. Marine Le Pen va appliquer exactement la même stratégie. Et alors, je rebondis sur ce que vous disiez, si on remonte dès le départ donc, du Front National, François Duprat, qui est le théoricien du Front National, celui qui fait le rapport de sa création au moment d'Ordre Nouveau et qui va être son stratège, c'est lui qui invente le slogan « un million de chômeurs, c'est un million d'immigrants en trop » et c'est lui qui, dans des documents internes, explique à ses camarades qu'il ne faut jamais rien dire de raciste, mais qu'il faut aussi sortir de l'anticommunisme, parce qu'en parlant d'un coût social de l'immigration, il y a un vrai jeu politique à tenter, et il y aura une normalisation parce que les autres partis viendront reprendre l'argument. Et qu'au moment où l'argument sur l'immigration sera repris, alors le Front National pourra dire qu'il n'est pas qu'un vulgaire parti d'extrême droite. C'est donc consubstantiellement la stratégie du Front National. Ça veut dire que ces dernières années, quand on parlait de dédiabolisation, certains disaient mais le socle idéologique reste le même, ce sont les éléments de langage qui changent. Donc ce serait une opération finalement de communication politique, alors que le fond, lui, resterait ce qu'il a été. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, oui et non, pardonnez-moi, je vais vous dire même en même temps. Allez-y, vous en prie. L'extrême droite, ce n'est pas un programme. L'extrême droite, c'est une vision du monde. C'est pour ça que le Front National peut être ultra-libéral dans les années 80 et protectionniste aujourd'hui, et qu'aucun militant n'y verra une quelconque trahison. Ce qui importe, c'est de préserver la vision du monde. Cette vision du monde, effectivement, au Front National, elle est restée tout à fait stable. C'est une vision du monde de type national-populiste, qui est un courant qui existe dans la vie politique depuis la fin du 19e siècle en France. Et le Front National reste fidèle à ça. Alors, il y a d'autres, vous avez parlé des skinheads tout à l'heure, les skinheads, c'est d'autres caractéristiques. Le mouvement skinhead, c'est un mouvement transnational, c'est des bandes, il y a des skins de parti, mais c'est en Allemagne, ça n'a jamais été en France. C'est une sociologie très prolétarienne, c'est une subculture musicale. Chacun des espaces des extrêmes droites a ainsi sa propre identité. Bien, puisque vous nous parlez des skinheads, on va s'arrêter sur leur cas une minute supplémentaire. On va écouter Serge Ayoub, alias Batskin, leader médiatique des skinheads français, dirigeant des jeunesses nationalistes révolutionnaires. Nous vous avons beaucoup parlé, c'est vrai. Elles ont été dissoutes après la mort de Clément Méric en 2013. Et ce Serge Ayoub s'exprime en 1991 sur le plateau de Mardi Soir, une émission d'Antenne 2. C'est la première chose, c'est que c'est un mouvement d'étape. C'est pas un mouvement enfin. Si on structure, c'est pour l'avenir. C'est absolument pas pour faire des skinheads de 70 ans. On fait des militants nationalistes pour toujours. Alors on est skinhead un temps et après on grandit. On évolue, on mûrit. C'est la première chose. Ça va historiquement avec ce que faisaient les anciens Celtes. On entre au Front National à ce moment-là. Mais le problème n'est pas là. Non, mais je posais la question. Le problème n'est pas de rentrer au Front National ou pas. Le problème n'est pas là. On mûrit, on peut devenir de droite nationale, on peut devenir autre chose. Le problème n'est pas là. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Serge Ayoub, souvent, on en a parlé dans les médias, mais avec une vision un peu caricaturale. Serge Ayoub, c'est un homme qui n'est pas du tout idiot, c'est un homme qui a de la culture et qui a fait, par exemple, quelque chose de très intéressant. Il a amené dans le mouvement skinhead, on se référait en général au SA, donc les sections d'assaut du parti nazi. C'était l'exemple historique sur lequel on était. Et par exemple, Serge Ayoub, il a amené à l'époque, justement, de cette émission, un tout petit peu avant, une autre référence qui est Gracchus Babeuf. Alors, Gracchus Babeuf, peut-être beaucoup de gens ne voient pas qui c'est l'extrême gauche de la Révolution française, Gracchus Babeuf. Oui. C'est la conjuration des égaux. Marx considérait que c'était la première esquisse d'un parti communiste. Et Babeuf dit, en fait, nous nationalistes français, nous nationalistes skinheads, qui sommes des nationalistes populaires, dans notre histoire, il y a certes le fascisme, par exemple, mais il y a aussi Gracchus Babeuf. Et c'est quelqu'un qui va chercher à affiner et à utiliser son charisme personnel pour un peu affiner la mouvance skinhead française. Dernière chose, là, c'est une émission de France 2, vous voyez la différence d'époque, c'est une émission d'Antenne 2, effectivement, très grand public, qui passe dans des émissions de Christophe de Chavannes, etc. À cette époque, Serge Ayoub, des choses qui sont plus du tout possibles aujourd'hui, alors qu'on a un discours, par exemple, anti-islam, qui s'est extrêmement étendu dans la société française, qu'on peut être chroniqueur, radio, télé, en disant des choses extrêmement violentes et en vendant beaucoup de livres. À ce moment-là, par contre, c'est beaucoup plus réduit, mais vous pouvez passer à la télé quand vous êtes un skinhead. Alors, tout de même, ces références à Babeuf et à d'autres réalités historiques et politiques qui ne sont pas à la portée de tout le monde et qui finissent par constituer un corpus idéologique compliqué, en tout cas, on a du mal à croire que sous le crâne des skinheads, le crâne visible, il y ait toutes ces références-là, tout de même. Alors, comme toujours, vous savez, tous les militants communistes n'avaient pas lu toutes les œuvres de Marx et de Lénine. C'est vrai. Bon, ça, c'est dans tous les courants politiques. Bien évidemment, je disais, les skinheads, c'est un mouvement prolétarien. C'est un mouvement qui a le culte de la violence. C'est un mouvement, surtout, qui a le culte de la bande. Il faut bien comprendre ça. Les skinheads, c'était d'ailleurs intéressant, dans les actualités radio que vous réutilisiez, on entendait à un moment, il n'a jamais appartenu à un mouvement d'extrême droite structuré. Vous voyez bien qu'il n'est pas vraiment skinhead. Bah si, c'est justement ça, un skinhead. Et c'est cette forme-là qui est très adaptée à la postmodernité, qui a fonctionné. Les skins, à la base, c'est des gens qui viennent des banlieues désindustrialisées de l'Angleterre, ça part de là, et c'est dans ces milieux-là que ça va se faire. C'est donc évidemment des gens qui ne sont pas des gens dans des procédures d'ascension sociale, mais qui viennent trouver là une identité groupale. Alors on va revenir sur l'assassinat de Brahim Bouharam, donc ce geste barbare qui avait tant choqué, juste titre, les Français. Quel est votre regard sur le comportement du Front National pendant cette affaire ? Le Front National, c'est très délicat durant cette affaire, puisque effectivement, il essaie de jouer sur tous les tableaux. Et résultat, ça va lui coûter, parce que par exemple, dans les milieux de l'extrême droite radicale, effectivement, et Serge Ayoub en particulier, on va lui reprocher d'avoir collaboré avec la police. Il essaye de jouer en plus avec, il faut bien voir, on est en 95, à l'époque, c'est pas si loin que ça, quelques années auparavant, il y a eu la question de la profanation du cimetière de Carpentras. Absolument. Qui a été fait par des skins du PNFE, à l'époque, on ne le sait pas encore, et le Front National a tenté de retourner l'affaire en disant tout ça est un coup monté contre nous, c'est une grande manipulation politico-médiatique de manière à nous diaboliser. On est dans ces climats de tension-là. Alors, bon an, mal an, ça fonctionne plus ou moins bien. Ce qui est intéressant, c'est la sociologie électorale du moment où on vote. Après, à ce moment-là, en 95, le vote Front National se transforme complètement. C'est un vote d'un coup d'un seul qui se prolétarise justement considérablement. C'est le moment où après, Jean-Marie Le Pen va devoir abandonner l'identité de droite dans laquelle il était depuis toujours. Il disait c'est la droite nationale, sociale et populaire. Et il va passer au ni droite ni gauche parce qu'il doit s'adapter à sa nouvelle clientèle électorale. Et là aussi, c'est un élément intéressant parce que je vous parle de prolétarisation avant. Et on voit bien qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces marges, elles annoncent souvent des phénomènes de masse qui se passent après. Mmh. Vos marges, elles permettent de comprendre ce qui se passe au centre et avec une certaine antériorité. Mais j'imagine quand même que les discours qu'on a entendus et dont nous nous sommes fait l'écho pendant le récit, qui tentaient à dire, en tout cas à prouver ou à démontrer, je ne sais pas, que le Front National avait une responsabilité morale, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette accusation qui paraissait quand même assez logique, assez réfléchie? C'est assez complexe parce que vous savez, la responsabilité morale, c'est difficile à... Alors politique, on va dire. C'est politique. Difficile à mettre en équation, c'est difficile à mettre en forme au niveau juridique, c'est le moins qu'on puisse dire. On parle de contexte culturel, mais vous savez, le contexte culturel, allons plus loin. Responsabilité morale du Front National dans la socialisation du racisme, on peut dire ça. Mais on pourrait aller plus loin et dire responsabilité de la société française dans la chose. Parce que vous savez, le Front National et les autres mouvements de l'extrême droite ne parlent pas que de l'immigration, ne parle pas que de l'ethnicité, ne parle pas que de religion, mais soyons honnêtes, la société française ne réagit positivement à l'extrême droite, ne vote pour elle, ne s'intéresse à elle que sur ces sujets-là. Lorsque l'extrême droite française, dans les années 70, a des grands débats sur la construction d'un axe Paris-Bonn, c'est-à-dire la capitale de l'Allemagne à l'époque, Moscou, ça n'intéresse évidemment personne. C'est bien lorsque l'extrême droite parle de la race, parle des immigrés, parle de l'ethnicité, que la société française s'y intéresse. Donc cette responsabilité de l'extrême droite, elle est par-delà notre responsabilité collective. Je comprends. Est-ce qu'on pourrait établir un parallèle avec la réaction de Donald Trump par rapport face au crime du Ku Klux Klan, en termes de responsabilité politique et de discours ? Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est quelque chose d'important, je crois, qu'est-ce qui se joue à l'échelle internationale. Ce qui se joue, c'est ce que moi j'appelle la droitisation, le sens que je donne au terme de droitisation, et qui est en train de s'accélérer. Depuis le début des années 70, ce qu'on voit des deux côtés de l'Atlantique, et c'est particulièrement intéressant avec le phénomène Trump aujourd'hui, c'est une déconstruction de l'État social, une déconstruction de l'État-providence au bénéfice d'un État sécuritaire, d'un État pénal, ça au niveau de l'État. Et dans les sociétés, là aussi à l'échelle transatlantique, ce qu'on voit, c'est que les citoyens se défendent des valeurs de l'humanisme égalitaire au bénéfice de représentations qui sont des représentations ethniques, qui sont des représentations autoritaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe sur les deux bords de l'Atlantique depuis 40 ans. Aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est absolument passionnant quand on le regarde au niveau du modèle. C'est Donald Trump, évidemment, du côté des États-Unis, avec une nette accélération de la chose. Et tout y est, la déconstruction de l'Obamacare, le mur avec le Mexique. Là, c'est vraiment c'est chimiquement pur. Et de l'autre côté, en Europe, qu'est-ce qu'on a ? On a bien évidemment des montées d'extrême droite. On parle des élections en Allemagne. L'AFD a fait un score extraordinaire. Il y a eu bien évidemment les élections en France. Et puis en Europe de l'Est, il y a ce qu'on appelle les démocraties libérales. Oui. L'avancée, le virage pris par des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, vers des formes de démocratie qui sont antagonistes aux valeurs libérales, aux valeurs de l'humanisme égalitaire. On a là quelque chose qui est en train de s'accélérer. avec la possibilité peut-être d'une jonction entre ce qui était la droitisation transatlantique et les démocraties libérales à l'Est, et qui peut peut-être arriver à un modèle, à un moment, qui sera un modèle peu humaniste. La chose est certaine si d'aventure il se met à fonctionner. Merci infiniment Nicolas Lebourg pour tous ces éclairages passionnants. Je rappelle le titre de votre prochain livre qui sort le 7 décembre, La violence des marges politiques. Merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique. Philippe Duclos ainsi que Sacha Trop. Demain, nous évoquerons l'histoire des punks.